tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Le thermomètre monte, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a le monde déréglé par l'homme et le constat de ce que peuvent produire comme dégâts ces quelques petits degrés pour mieux dérouler les effets boules de neige qui nous promettent l'apocalypse. Au Bangladesh, elle est déjà là. Alors pour commencer, les personnages. Un ministre en voyage, des habitants sur les toits, des femmes mariées jeunes pour garder les pieds au sec, des enfants en danger, des pirates, un chercheur qui veille et des réfugiés climatiques pas consultés. Ensuite, le décor. Un fleuve qui déborde, la mousson, un village inondé, des maisons sur pilotis, un laboratoire, le Brahmapoutra, des barrages, des digues qui cèdent, des bancs de sable, des cyclones et un tricycle électrique. Aujourd'hui, premier épisode, on prend le bac. Le Bangladesh, déjà entre deux eaux. Là, on est dans une sorte de forêt de camions multicolores. Ils vont tous embarquer sur le ferry, ces camions, ou pourquoi ils sont là? Ah oui, un par un, pour traverser la rivière Padma. C'est quand même un gros Capharnaüm, mais très coloré. Hein. Il y a de toutes les couleurs qui explosent. Avec le drapeau du Bangladesh. La majorité des camions, ça vient de l'Inde. On est content parce qu'on est dans un petit ferry en fait, parce que s'il fallait attendre qu'il y en ait un immense qui se charge. Les gens savent que le premier ministre est maintenant en France, parce que alors quand ils me demandent alors qui est l'origine de cette personne, et j'ai dit France. Ah oui, maintenant le premier ministre est en France. Au Bangladesh, c'est tout un pays qui se trouve juste au niveau de la mer. C'est un immense delta, là où le fleuve se divise en des milliers de rivières qui se jettent dans l'océan. Nous sommes fin 2017, le Premier ministre du Bangladesh est à Paris pour parler climat lors des nombreuses rencontres internationales consacrées à ce sujet. Au même moment, notre petite équipe embarque sur un ferry. On s'éloigne des embouteillages de Dhaka à la rencontre des habitants qui, eux, ont déjà les pieds dans l'eau, vers des régions au sud du pays, inondées toute une partie de l'année. Ah, on défait les cordages. Ça sent le départ. আমরা এখন আছি নড়িয়া উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নে ঢাকা থেকে প্রায় 85 কিলোমিটার দূরে dans la région de Shariatpur, particulièrement vulnérable aux inondations parce qu'elle se trouve au bord du fleuve Padma qui déborde régulièrement. On constate que ces crues du delta augmentent et s'accélèrent avec le changement climatique. En période de mousson, les précipitations sont intenses. Les crues et la mousson s'additionnent pour inonder cette région 3 à 4 mois par an, touchant près de 200 000 personnes. L'eau atteint en moyenne 1,50 m, parfois jusqu'à 2 mètres. 200 maisons sont détruites ainsi par l'eau chaque année. Nous aidons ici 2 800 familles. Ceux qui ne peuvent quitter la région se réfugient sur les toits, parce qu'aucun abri anticyclonique n'est prévu. Bye. বর্ষা 15 জুন 17 আগস্ট বাংলাদেশের বর্ষা ঋতু একেবারেই ভিন্ন। বাংলার বর্ষা সঙ্গীত সৃষ্টি করে, টিনের চালের শব্দ এবং জলভূমির ওপর বৃষ্টির ফোঁটা মিলে যে সঙ্গীত তৈরি করে সে শব্দ জেগে ওঠে কোলা ব্যাং তার নিজের সঙ্গীতে। La mousson est l'une des six saisons du Bangladesh. C'est la saison des fortes pluies qui inondent tout le pays. La pluie joue du tambour sur les toits de tôle et sur les étangs, réveille les grenouilles qui chantent leurs propres chansons étranges et les ajoute à la musique de la pluie. Inondations et cyclones ravagent et détruisent en masse. Le grondement profond du tonnerre et les montagnes basses suspendent les nuages et inspirent le respect et la crainte. Les fleurs de la mousson, blanches au doux parfum, ce sont le gardénia, le jasmin, le kaya. La nuit, jasmin fait naître des parfums charmants et lourds. Pendant la mousson de 1971, tout le monde priait pour que la pluie augmente. Six saisons en 1971, Niloufar Jahan. যেটা আমাদের যখন মত বিনিময় বিভিন্ন সভা হয়ে থাকে এবং যখন আমাদের আমরা ওই জায়গাতেও গিয়েছি, এই সময় কিন্তু নারীদের প্রতি সহিংসতাটা বেড়ে যায়, কারণ যেহেতু সে কিন্তু আরেকটা জায়গায় গিয়ে তাকে থাকতে হচ্ছে এবং সেখানে হয়তো আশেপাশে এমনও অনেক সময় দেখা যায় যে জনবসতি সেরকম নেই। তো Pendant les inondations, certaines populations pauvres doivent se déplacer. Les hommes vont travailler dans d'autres villes et les femmes restant seules avec les enfants se font souvent attaquer et violer. তো যখন সে পুরুষটা আবার কাজের জন্য বাইরে যাচ্ছে এবং বাসায় শুধু নারী বা শিশু থাকছে, তখন কিন্তু তারা অনেক বেশি ভালনারেবল হয়ে যায় এবং অনেক Nous travaillons pour une ONG, Hirondelle, qui tente de protéger ces femmes rendues vulnérables par les inondations et l'érosion qui s'aggrave. নারীর ক্ষেত্রে নারীরা নির্যাতিত আর নির্যাতনটা তো করে তাদের স্বামীরা। Pendant ces migrations temporaires, les femmes sont déplacées dans des refuges qui ne sont pas sécurisés, ce qui encourage les mariages de filles très jeunes pour qu'elles restent en sécurité avec leurs maris. Même si l'âge légal du mariage pour les filles est de 18 ans, elles sont très souvent mariées dès l'âge de 10 ans. Par le passé, les femmes n'osaient pas dénoncer les violeurs. Mais les mentalités évoluent et elles osent maintenant porter plainte. On a vraiment l'impression d'être au bout du monde. On est dans un tout petit village au milieu du delta. Donc on a traversé vraiment de nombreuses rivières avec des ponts, des petits sentiers, des routes défoncées. On nous a expliqué que les régions étaient inondées chaque année. Là, c'est le bruit d'un petit pousse-pousse. Enfin, c'est des gens, des sortes de bicyclettes avec un petit pousse-pousse à l'arrière. Et en fait, on arrive dans ce village où les gens, en fait, chaque année, sont complètement inondés. Alors, on nous dit, parfois, l'eau monte jusqu'à la poitrine. Parfois, elle monte jusqu'à 2 mètres de hauteur. Et donc, tout est inondé. Les routes, les champs, les maisons, les gens doivent partir. D'ailleurs, on voit les murs un peu abîmés. La peinture est écaillée sur certains murs, mais il y a beaucoup de maisons en tôle, en fait, hein, par ici. Comment ça va? Bien. Ça va venir? Allez, allez. You speak French? C'est Nazma qui est montée avec nous dans la voiture. Elle va nous servir de guide parce qu'évidemment, il y a des rivières qui s'entrecroisent, mais il y a aussi des routes qui s'entrecroisent à l'infini. Et les villages, en fait, sont comme incrustés dans la forêt. Il y a des arbres partout. Et quand on ne connaît pas le coin, évidemment, on a des grandes chances de se perdre. Et en même temps, il y a beaucoup d'arbres. Donc à cette période de l'année, on nous dit qu'il y a 2 mois, c'était complètement sous l'eau. Mais en fait, on a beaucoup de mal à imaginer. Alors là, il y a un mariage qui se prépare. Donc il y a des grandes toiles fluorescentes qui sont tendues. On sent qu'il y a un petit événement. Ah, Nazma nous fait signe qu'on s'approche. Il y a des petits murets, en fin de compte, avec des trous dedans qui doivent sans doute faire évacuer l'eau quand il y a des grosses pluies. Mais on sent aussi que c'est pas très efficace, hein, puisque Le problème, c'est que l'eau, il ne faut pas toujours la contenir. Il faut des fois la laisser circuler. Et alors, de tout bétonner, ce n'est pas une solution. Là, c'est des petits murets en briques locales, là, des briques un petit peu rouges. Mais on sent que c'est provisoire, quoi, c'est ça. Donc toutes les maisons sont un petit peu sur des légers pilotis. Elles sont un petit peu surélevées avec un petit poteau, disons, de 30 cm qui surélève la maison pour qu'elle nage pas complètement dans l'eau. Mais ça doit être vraiment juste provisoire. Siprasha. Je m'appelle Sipra Shaha. J'habite avec mon mari, mes enfants. J'ai une fille et un garçon. Et mon mari, il a une boutique dans le marché. Et je suis femme au foyer. Alors, être inondé, c'est quelque chose de très commun ici. J'habite ici depuis 25 ans et toutes les années, chaque année, il y a des inondations. Mais oui, je pense que le taux de l'inondation et l'intensité, surtout de l'inondation, s'est accéléré récemment. Quand tu es surmarché, ma maison est surmarché, on ne va pas ailleurs. Cette année, alors le niveau de l'eau, c'était un mètre presque. Et alors, par exemple, c'est la cuisine totalement submergée. Mais pas de problème parce qu'on fait une plateforme en utilisant du bois. Et sur cette plateforme, on fait des cuisines et des autres choses. Et c'est comment on peut survivre durant la mousson. C'est combien de mois cette mousson? Combien de mois ça dure ici? Combien de mois? L'inondation totale au minimum un mois. Ici, il y a de l'eau partout sur le chemin, là, comme ça. Comment ils font avec les enfants qui courent partout? Est-ce qu'ils n'ont pas peur que les enfants se noient, par exemple? Chaque année, oui, il y a beaucoup d'enfants qui sont morts à cause de ça. Donc, il faut sauvegarder les enfants tout le temps. C'est très important. Par exemple, cette année, l'enfant était dans l'eau. Mais heureusement, j'étais présent, j'ai sauvé l'enfant. Durant la mousson, c'est général que tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Et c'est un problème parce que tout le monde est malade, il n'y a personne qui va prendre soin des autres. Dans ce cas, les personnes malades prennent soin d'eux-mêmes. Et les genres de maladies, c'est le diarrhée, c'est de la fièvre, du rhume. Et oui, c'est ça. Toutes les variétés des maladies qui sont liées à l'eau sale. Il y a des gens qui meurent de ces maladies. Avant, il y avait beaucoup de morts, mais maintenant, les gens sont conscients, ils savent quoi faire. C'est pourquoi maintenant, le taux de mortalité causé par l'eau sale, ce n'est pas trop élevé. Par exemple, 7-8 personnes par année, mais en comparaison du passé, c'est presque rien. Elle nous expliquait qu'elle était allée rendre visite à la famille en bateau. Et je voudrais savoir si justement les gens sont organisés pour se déplacer en bateau, soit des bateaux qui existent déjà habituellement, soit ils fabriquent des sortes de radeaux pour pouvoir survivre pendant les mois où tout est inondé. Il y a une solution provisoire, c'est de fabriquer des petits bateaux en utilisant du bois de bananier. Et au Bangla, ce type de bateau, il s'appelle Kolaga Cherbera. Et alors, c'est une solution temporaire, mais ça marche. Je me souviens, en 1998, Bangladesh était complètement submergé dans une inondation. Parce qu'au Dhaka aussi, complètement submergé. Et aussi, il y avait des bateaux partout. Et on s'est déplacé en bateau. Et il y a aussi des Kolaga Cherbera au Dhaka, comme une solution provisoire. Oui, j'étais dans le bras de ma mère. Et il y a de l'eau partout. J'avais un peu peur. Mais oui, c'est ce que je me souviens maintenant. Donc là, on est avec Azma. Qu'est-ce qui lui est arrivé alors? Alors, notre maison originale, c'était dans un village qui s'appelle Chorjazira. Mais à cause de la rivière Padma, notre maison s'est perdue dans la rivière. C'est pourquoi on est installé ici il y a 4 ans. Il y avait quelqu'un dans la maison quand elle est partie avec l'eau? Alors, on a anticipé que notre maison va être emportée et c'est pourquoi on n'était pas. Alors, il n'y a personne dans la maison dans ce moment. Et c'est pour elle la maison qu'on est en train de construire là? Oui. Pour construire cette maison, on devrait acheter de nouveaux matériels de la tôle, mais on peut garder un petit peu de tôle de notre maison originale. Là, c'est un tout petit regroupement de maisons en tôle, un peu fixées comme on peut. Et justement, ils sont en train de construire une grande maison un peu plus solide en bois en ce moment même, comme on l'entend. Mais effectivement, il y a 4-5 maisons, mais quand même certaines déjà sur pilotis. L'attentat plus récent, ça s'est passé il y a 3 jours, d'accord. Et les pirates viennent avec des armes et ils volent des personnes et des villageurs ici. Et elle s'est fait voler, elle? Non, mais non, elle s'est volée parce qu'elle avait très peur et elle est cachée à sa famille et elle était silencieuse. Mais pourquoi tu ne voulais pas nous le dire devant elle? Pas devant elle, parce que M. Tazamel m'a dit que maintenant, alors il ne faut pas dire ça devant Lydia, maintenant, parce que tout va vivre ici. Mais maintenant, il m'a dit que ça sera très, très, très dangereux, très dangereux. Parce que il faut comprendre, les pirates, ils viennent à 3h du matin, 4h du matin, quand tout le monde dort. Maintenant, tout est normal. Mais alors, les attentats, ça se passe depuis 3h ou 4h du matin. C'est le docteur Reza Rahman qui va nous faire visiter son laboratoire de simulation des bouleversements climatiques. Alors là, on est dans une pièce où il y a plein d'ordinateurs. Ah oui, il y a des affichages sur le réchauffement climatique. C'est un climate change simulation laboratory. যেখানে আমাদের বিভিন্ন রিসার্চ ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্পর্কিত রিসার্চ এবং দুজন রিসার্চার পিএইচডি রিসার্চ. Il s'agit d'un laboratoire de simulation du changement climatique. Ici, on tente de modéliser grâce à des logiciels comment va évoluer le Brahmapoutra en cas d'inondation extrême, de crue ou de précipitation exceptionnelle. Okay, I propose to you something. We are going to go near the map and just you will show us. Je lui propose de nous rapprocher de la carte au mur et de nous montrer exactement quelles sont les zones inondables. La région sud-est, ce n'est pas inondée. Et là, donc, c'est toute cette zone-là qui... Inondation, c'est de deux types. Inondation qui est faite par l'océan et la rivière. L'inondation qui est faite ou qui est faite par la pluie de mousson, c'est cette région de centre, d'accord? Oui, comme Dhaka inondée. Mais cette région, on s'appelle tidal flood, marée, oui. Et il y a mangrove, pas inondée, mais salinisation. Et dans le centre plutôt, c'est inondé par la pluie mousson. Et c'est différent. Ekta jinish to holo shudhu big delta na, eta downstream of a big basin, Ganges, Brahmaputra, Meghna basin. Shudrang etar water related. La particularité du Bangladesh n'est pas seulement d'être un grand delta, mais de se trouver en aval du Brahmaputra, qui traverse en amont le Tibet et l'Inde. Non seulement le Bangladesh est en aval, mais l'altitude du pays est très en dessous du niveau des pays voisins et proche du niveau de la mer. Nous dépendons directement de la politique de gestion de l'eau des pays en amont, de la Chine, du Bhoutan, du Népal, et surtout de l'Inde. En général, la mousson inonde chaque année 20 à 30% du Bangladesh. Mais dans les cas extrêmes comme en 1998, 75% du pays était sous l'eau. Avec les bouleversements climatiques, une sorte de nouvelle saison apparaît, une pré-mousson, qui démarre début juillet et qui inonde la région de Silet. Les mesures structurelles consistent à construire des digues et des polders parce que nous ne pouvons pas construire de barrages, car nous dépendons directement de l'Inde qui a des barrages en amont. Lorsque l'Inde est inondée, ce qui s'aggrave avec la fonte des glaces de l'Himalaya et les pluies torrentielles qui se multiplient, l'Inde ouvre ses barrages sur le Bangladesh déjà inondé pour évacuer le trop-plein d'eau. Une coopération internationale avec l'Inde est donc indispensable pour la gestion de l'eau chez nous. Mais avec les bouleversements climatiques, qui augmentent la fréquence des inondations, elle n'est pas suffisante et nos digues locales ne fonctionnent pas. Cela crée tous les ans des migrations saisonnières vers les villes hors de l'eau. En moyenne, chaque année, 90 millions de Bangladais sont impactés par la montée des eaux. 20 millions sont carrément inondés. 15 millions d'entre eux émigrent temporairement et 5 millions survivent dans les zones inondées. Ils ont construit ces maisons dans des zones inondables parce qu'ils sont pauvres. Les agriculteurs ne sont pas propriétaires de leurs terres et le développement industriel les enchasse de plus en plus. À ce manque de terre s'ajoute l'instabilité des sols avec l'érosion, qui détruit les cultures et les habitations, et l'apparition des chores. Les chores sont une caractéristique naturelle du fleuve qui fait apparaître des bandes de terre de manière permanente. Et là, chacun essaye de s'accaparer ces nouveaux terrains. Il y a de véritables pirates de terre qui s'y installent et cela crée des conflits. Ce qu'on appelle les peuples sans terre, les paysans et les pêcheurs qui ont tout perdu dans les inondations et les crues, ne savent pas lire et ne connaissent pas leurs droits. Notre ONG essaye de les informer de leurs droits sur cette chore pour qu'ils puissent se mobiliser face à ces pirates souvent liés à des partis politiques et face au gouvernement qui tente aussi de récupérer ces terrains. একটা হিউজ একটা রিয়াকশন ছিল ওই সময়টাতে কিন্তু পরবর্তীতে হয়েছে যে পলিটিক্যাল একটা কারণে পিপলের রিয়াকশনটাকে হয়তো ওইভাবে মানে নেওয়া হয় নাই এবং এটাকে এনকারেজ করে নাই পরিবেশবিদ যারা আছে তারা La construction d'un pont sur le fleuve Padma a provoqué de tels dégâts en creusant le fond de la rivière que le courant s'est inversé par endroits et que l'érosion a fait disparaître une ville entière totalement englouti. Political je khomotashil dol ache tader against e ki ashle jonogone kichu korar nai kintu ei muhurte jeta ami Des voix se sont élevées contre ce type de projet démesuré pour ces zones instables mais vite réprimées par le gouvernement car jugées anti-nationalistes. Toto shochetun na environment niye jotota shochetun hole ashole amra etar against e Ceux qui veulent protéger l'environnement ne sont pas assez nombreux à se mobiliser contre les constructions démesurées. Les gens n'ont pas encore développé ici une conscience environnementale. Siddhanto grohon bolen ba Traditionnellement, au Bangladesh, les sociétés matriarcales sont répandues. Par exemple, dans ma famille, c'était la mère qui prenait les décisions importantes et il y avait une vraie égalité homme-femme. Dans le sud du pays, la mère est chef de famille et les femmes ont le pouvoir dans de nombreuses cultures traditionnelles, comme chez les Chapma, les Marma et beaucoup de peuples autochtones. Mais avec l'islamisation du pays, elles ont perdu beaucoup de ces pouvoirs. Même lorsqu'elles travaillent, par exemple si elles sont employées dans les usines textiles, on ne leur donne pas de pouvoir. Il a une histoire très très importante. Il y a un grand projet du gouvernement de Bangladesh, c'est de construire un grand pont sur la rivière Padma. Ça s'appellera le pont de Padma. Donc c'est un très grand projet. Mais il y a un problème. Quand les ouvriers creusent pour la construction et à cause de beaucoup d'excavations, alors ces choses-là se lever à cause d'excavations. D'accord? Et maintenant, il y a un problème parce que toutes les vagues ici, elles se battent contre ce chor et elles viennent ici. Et à cause de ça, l'érosion de la rivière, ça s'aggrave, ça accélère très, très, très gravement. Et est-ce que maintenant il habite là à côté et est-ce que sa maison est inondée aussi? Alors oui, ma maison était complètement détruite par l'érosion de la rivière et l'érosion de la rivière a détruit beaucoup, beaucoup de maisons. Alors plusieurs maisons ici. Donc c'est pourquoi alors il y a un nom pour Padma, c'est que la rivière qui détruit tous. C'est pourquoi elle est nommée comme ça maintenant. Alors l'objectif de vous, c'est d'informer le monde le problème de Bangladesh pour que le gouvernement prenne des actions immédiates pour nous aider. Est-ce que j'ai cru voir une sorte de dauphin ou un gros poisson? Est-ce qu'il y a des gros poissons qui sont là? Et est-ce qu'il y a dauphin? J'ai vu quelque chose sortir de l'eau, je ne sais pas ce que c'est. Oh, et c'est... est-ce qu'il y a aussi des crocodiles dans le coin? Demande-lui ce qu'il y a comme gros animaux. Kumir to nai ekhane nai nei kumir nei shushuk dekhlam mone shushuk alors c'est un peu différent parce que c'est un type de dauphin mais pas dauphin mais au Bangla c'est shushuk dauphin d'eau douce ouais, peut-être oui je sais pas. Oui, alors donc pour décrire cet endroit, on a donc des petites rivières un peu cachées entre les villages et la forêt. Et puis là, d'un coup, on débouche sur un grand bras du fleuve, vraiment immense. On n'arrive pas à savoir même si c'est un lac ou si c'est la mer. C'est immense. Et à l'horizon, on voit une petite langue de terre et c'est ce qu'ils appellent les chors. C'est des petites îles au large de Nouria qui, justement, se reconstituent avec la vase et le sable qui bougent et ça refait des morceaux de terre. Et là, la terre devient solide et les gens peuvent habiter dessus, faire des constructions. Et évidemment, il y a un gros problème côté cadastre puisque personne n'est d'accord pour savoir à qui appartient cette terre qui n'existait pas il y a peu. Et là, c'est vraiment, on a une grande étendue d'eau immense. On dirait presque qu'on est devant la mer. Là, on va partir justement sur ces fameuses îles qui apparaissent au milieu de l'embouchure du fleuve. De manière un peu mystérieuse. Puis là, on voit bien l'érosion, en fin de compte, tout le bord de l'eau est complètement échelonné. Ah oui. Pour venir ici, en fait, on a traversé des routes où il y a beaucoup de cimenterie avec ce sable. Ils l'utilisent beaucoup pour faire des structures en béton et on voit vraiment que c'est la guerre du béton contre le sable. C'est l'homme inexorablement qui veut fixer les choses et puis la nature qui est la terre qui continue à bouger. On ne sait pas qui va gagner, ou on le sait trop bien. Donc là, on est monté sur le petit bateau. C'est un bateau en métal, mais quand même moitié bois, moitié métal. Donc on va larguer les amarres, ça sent le départ. Voilà. Attention les enfants. Donc là on va charger deux personnes qui ont de très beaux turbans. Ah, ils sont au milieu d'une langue de terre, on ne sait pas d'où ils viennent. Et ils attendaient le bateau apparemment. C'est comme une station invisible. Alors bien malin qui peut savoir que c'est là qu'il faut le prendre le bateau. Alors là c'est assez impressionnant, on est en train de slalomer entre des bancs de sable. Donc il y en a un qui est assez élevé, qui fait à peu près 1,50 m de hauteur, avec des petites strates en train de s'éroder. Et puis là, de l'autre côté, derrière nous, on a des petits bancs de sable et on est obligé de les contourner avec le bateau pour pas s'enliser, en fait, dans ces petites langues de terre comme ça qui s'avancent sur l'eau. Et derrière, on a le fameux shore où il y a carrément de la végétation qui a poussé dessus. On dirait vraiment une vraie île qui est là depuis longtemps. Et évidemment, le bateau est obligé de slalomer dans une conduite assez fine. Donc là, ce petit bras d'eau apparemment sera asséché dans un mois et il restera à sec jusqu'au mois de mars et reviendra ensuite. Mais enfin, on dit un bras d'eau, mais en fait, c'est comme un immense labyrinthe de bras d'eau, quoi. Voilà. Là, il négocie un virage un peu serré. Je crois qu'il a peur de toucher le fond parce qu'ici il y a beaucoup moins d'eau que par rapport à là où on était juste avant. On s'est enlisé dans la vase, enfin le sable du fond est surélevé mais on l'a pas vu et notre bateau s'est enlisé en fait. C'est un accident comme au ralenti là, c'est très doux, ça fait comme ça dans le sable. Et tout le monde a un peu tangué et maintenant on fait marche arrière. Ah mais là on peut voir qu'il y a le petit banc parce que ça fait des petites vagues comme ça qui affleurent. Donc on devine que le sable est peu profond en fait. Racle le fond quand même. Hein. C'est que du sable alors ça va, mais on touche le fond. Je pense qu'il passe en force en raclant le fond du sable. On a dû passer là, c'est plus profond ici. Là on voit la rive, c'est une vraie île hein, avec des forêts qui se dessinent. Là on voit une sorte de tracteur, des gens qui habitent là, des maisons construites. On a du mal à imaginer que c'était pas là il y a encore quelques années. C'est pas des forêts, mais quand même, hein, c'est si, pratiquement. Hein. Il y a des arbres assez âgés. Qui officiellement n'existe pas. Ça y est, les paniers en osée qui sont débarqués. Il y a des petites chèvres qui broutent sur la plage aussi, parce qu'il y a un petit peu d'herbe. Il y a des enfants, des femmes qui se baignent. des petits bateaux de pêcheurs. Très joliment décorés d'ailleurs. Pour les coques, c'est des petits oiseaux blancs qui sont peints sur du bois. C'est très joli. Moins coloré que d'habitude. Alors là, on s'enfonce dans une petite forêt. Il y a des bananiers et puis des manguiers aussi qui ont poussé. Là, maintenant, le petit sentier est renforcé par des briques. Ça fait un petit chemin et on s'approche d'un village. Une petite chèvre qui broute, mais des grosses vaches aussi. Bon, là on est vendredi, c'est le jour de la prière, donc il y a peut-être beaucoup de monde à la mosquée aussi, mais il y a quand même plein de gens dans les rues. Il y a du linge qui sèche. Et des fagots de bois. Ce chor, Choriatra, ça existe il y a 20 ans et je suis un membre de la comité de Nyon il y a un an et demi. Et alors la population de ce chor, c'est environ 2000. C'est 2000 familles. Est-ce qu'ils ont aussi le problème du vent et des cyclones ? Un cyclone, c'est très commun ici. Par exemple, en avril cette année, il y avait un cyclone très très très très grand. Et alors presque 100 maisons étaient complètement détruites. Un cyclone, ça dure presque 20 minutes, mais c'est assez pour détruire tous. C'est notre vie. Alors en avril le cyclone, en juillet c'est l'inondation, c'est notre vie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Là on a vu en passant devant la mosquée, il y a des panneaux solaires. Hein. Et je voudrais savoir si les systèmes électriques, ça résiste bien au côté humide, s'ils ont des inondations. Est-ce que le système des panneaux solaires est efficace? Pas de problème parce que la solution c'est très simple. Les panneaux solaires c'est toujours sur le toit. Parce que c'est pas un problème. Et qu'est-ce qu'on fait? On met les batteries sur le toit ou sur le matcha. Et c'est la solution. Alors, ces panneaux solaires, c'est très commun ici parce que ces panneaux solaires sont fournis par le gouvernement pour les pauvres. Alors, pour qu'on leur puisse produire leur électricité. On est déplacé par l'érosion de la rivière et on est des mendiants et on n'a pas d'emploi et c'est un problème. On n'a pas de maison, on habite dans l'école, dans cette école. D'accord. Et parce que cette école, ça aussi fonctionne comme un abri anticyclone. Alors, c'est pourquoi les membres de la comité union nous a permis de vivre ici. Alors là, on est toujours sur cette petite île. On vient de quitter les deux mendiantes. Et là, on arrive dans un tout petit village avec des enclos en bambou. C'est comme un petit quartier du village. Derrière, il y a des champs, des vaches, des bananiers. Quand il y a beaucoup d'eau, le problème c'est qu'on utilise du bois pour cuisiner, mais quand il y a beaucoup d'eau, tous les bois sont trempés Et c'est un problème, parce que quand du bois est bouillé, alors on ne peut pas déclencher un feu. Et c'est un grand problème. Dans ce cas, on ne peut pas cuisiner. Si on ne cuisine pas, on ne peut pas manger. Il n'y a rien à manger. Dans le mousson, il y a la pluie, bien sûr, il y a la précipitation. Mais aussi, ce problème d'inondation est aggravé par raz de marée. Parce qu'il y a de la pluie et aussi il y a de l'eau qui vient de la rivière. Et il y a un mélange et le problème est beaucoup plus intense. Ça se passe chaque année. Chaque année pour plusieurs années. Mais elle a remarqué que c'est de plus en plus grave. Oui, bien sûr. Plus intense et plus problématique qu'avant. Et depuis combien d'années elle vit ici, elle ? Je suis né ici. Parce que le problème qu'elle m'a dit qu'elle est née ici, mais alors ce tchor ça existe pour 20 ans, d'accord, c'est oui, c'est bizarre. Demande-lui l'histoire du tchor. Ah oui, min tchor ta nodi, e nodi e bortoman. Eta nopara. Eta nopara force gya. Eta nopara ar udilo soratra. On soratrai on nofara hoye geche ga nodi shob phune nodi e shob bangasuri shob kichu hoye ga ulut fulut khali cholta ache eno 12 bochhor 12 bochhor eri me acha acha acha no alors oui il y a un autre tchor d'accord et l'autre tchor ça s'appelle tchoratra principal d'accord et je suis né là-bas c'est Nopara et je suis allé vivre ici il y a 12 ans. Mais maintenant, tous les deux tchors sont connectés. Combien de temps ces lambeaux de terre vont rester connectés ? Partout, l'eau dessine un petit dédale de rivière à l'infini. Même les noms des villages portent en eux le côté mouvant et fluide de la région. Difficile de quitter ces femmes, ces enfants, ces pêcheurs, qui de leurs yeux me disent toute l'incertitude de leur vie quotidienne. De leurs gestes, ils me demandent: est-ce que je comprends lorsqu'ils m'expliquent qu'ils vivent sur des planches quand l'eau est partout et regardent nager les poissons au beau milieu de la cuisine ? On est en train de quitter ce fameux tchor dont on a eu beaucoup de mal à déterminer l'âge exact. Voilà, l'histoire c'est ça, c'est que c'est un bout d'île qui est un prolongement d'une autre île. Ce banc de terre a une vingtaine d'années, mais en fait il s'est agrégé sur un autre morceau d'île qui lui-même n'est pas si vieux, mais plus vieux quand même. Bref, on voit que c'est vraiment des zones qu'on a du mal à imaginer de chez nous. Il y a une manivelle pour faire démarrer le moteur là. Voilà. Il y a manivelle amovible. Bon, on est un peu triste de quitter cette île parce que peut-être qu'elle sera engloutie la prochaine fois qu'on passera par ici, hein, vu qu'elle est déjà inondée régulièrement. Peut-être d'ici quelques années, elle n'existera plus du tout. On ne sait pas. Je suis vendeur de Kudel Khaja et c'est quoi marketing de notre côté, de faire des musiques et on s'amuse bien et aussi on amuse des acheteurs. Alors en fait, ils sont trois sur une sorte de tricycle avec ce haut-parleur et On dirait que ce sont des bicyclettes, mais en fait, ils ne pédalent pas. Tout le système est électrique. Et donc, je veux juste savoir comment ça marche, l'électricité, comment il alimente sa machine et le vélo aussi. Mon tricycle, ça se dirige par électricité et cette électricité est produite dans une batterie et on charge de batterie de temps en temps pour nous diriger. Et donc, la musique aussi, c'est la même batterie, du coup ? La même batterie. আমাদের এখন যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হচ্ছে এটা মানে সিম্পল ভাবে কমানো Pour lutter contre le réchauffement climatique, il existe plusieurs solutions limitant les émissions de gaz à effet de serre. Importer de l'énergie hydroélectrique du Népal et du Bhoutan, diminuer notre consommation d'essence et de charbon au profit du gaz liquide, et augmenter l'efficacité énergétique. Réduire totalement ces émissions de gaz à effet de serre est impossible. Mais on peut les diviser par deux d'ici 2040. Le Bangladesh essaye d'introduire l'énergie solaire en fournissant gratuitement des panneaux solaires aux familles. Elles peuvent ainsi produire leur propre électricité, surtout là où il n'y en a pas. Mais l'un des obstacles est la disponibilité des terrains où positionner de grands panneaux solaires. L'objectif serait d'atteindre 1000 MW d'électricité solaire si les populations adoptaient cette transition énergétique. আচ্ছা এটা তো একটা গ্রস ইনজাস্টিস সেটা তো হলো যে কোন সন্দেহ নাই যে les gaz à effet de serre proviennent surtout de tous les pays développés même si les États-Unis sont particulièrement montrés du doigt pour s'être retirés des conférences internationales. Mais le temps n'est plus au débat pour trouver qui est responsable, il est urgent d'agir. Nous, les chercheurs, nous apprenons aussi beaucoup en écoutant les populations locales, qui savent par exemple gérer intelligemment les sédiments fertiles en laissant des trous dans les digues, espaçant les sacs de sable pour laisser passer l'eau. বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করে রাখাইন কমিউনিটি যারা পটুয়াখালী বরগুনা জেলাগুলিতে বসবাস করে 2008 সিডরের সময় তারা যে সমস্ত ঘরগুলিতে বসবাস করে সেই ঘরগুলি অধিকাংশ টিকে ছিল কিন্তু যদিও বাঙালিদের অন্যান্য ঘরগুলি প্রায় মিশে গিয়েছিল ঝড়ের কারণে ফলে তাদের ঘরগুলি যে টিকে ছিল তাদের কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস এবং তাদের কনস্ট্রাকশন ডিজাইনিং এর কারণে Il faut miser sur les connaissances traditionnelles des populations locales. Par exemple, lors des inondations exceptionnelles de 2008 dues au cyclone Sidre, le peuple autochtone appelé Rarain avait une technique de construction de maisons qui étaient les seuls à résister aux intempéries, grâce à des pilotis en bambou et des fenêtres qui résistent au vent violent, en laissant passer l'eau et l'air. Or, les stratégies gouvernementales mises en place par la suite pour se protéger de ces cataclysmes n'ont pas du tout intégré ces savoirs traditionnels efficaces. Ils ne tirent pas les leçons de ces savoir-faire. De même, les paysans connaissent les types de cultures capables de résister aux inondations légères ou à la salinisation et maîtrisent les semences adaptées à ces climats, comme le riz avec les trois récoltes par an. Un paysan a baptisé Charlotte, du nom de sa mère, une telle semence révolutionnaire qui n'avait pas été découverte par des chercheurs. Mais ni les gouvernements, ni les organisations internationales ne prennent en compte ces savoirs précieux. তাই না? এটা আমাদের পৃথিবী যেখানে আমরা মানুষরা বাঁচবো, তাই না? সুতরাং এই পৃথিবীকে আমাদের বাঁচাতেই La question n'est pas de sauver le Bangladesh ou tel pays. C'est notre monde qu'il faut protéger et il faut se battre contre ceux qui détruisent ce monde. Si le monde est menacé par l'effet de serre, il faut agir contre ces menaces. যেমন মানুষ আছে, মানুষের বাইরে আসলে অসংখ্য প্রাণ আছে, যেটা প্ল্যান্টস অ্যানিমেল সহ শত সহস্র লিভিং অর্গানিজমস আছে, সবাইকে নিয়ে আসলে পৃথিবীটা একজন আয়োজন উপর নির্ভরশীল। D'ailleurs, il ne s'agit pas de protéger uniquement les êtres humains ou tel pays, mais tout ce qui est vivant sur Terre, toute la biodiversité. সেটা হলো যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সম্মেলনগুলো হচ্ছে এবং সামনে কোপ 24 হবে, আসলে যারা একদম ভিকটিম, যাদের জীবন মানের খুব সমস্যা হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে। La plus grande erreur lors des grandes conférences internationales, c'est de réunir des diplomates et des hommes politiques. Mais où est le peuple? Qui représente les paysans pauvres des pays pauvres? Qui représente les pêcheurs, les populations déplacées par les bouleversements climatiques et les effets météorologiques extrêmes? Il y a un grand manque de représentation des réfugiés climatiques de toutes les régions du monde. En août 2018, la région de Nouria et Shariatpur a de nouveau été inondée. Des crues si violentes que les images vidéo font le tour du monde sur Internet. Les mottes de sable s'effritent, les femmes crient devant les immeubles qui s'effondrent. En voyant les images, je n'ai pas compris tout de suite. L'immeuble de 4 étages, sur le toit duquel on avait interviewé les gens de l'ONG UST, n'existe plus. La rue elle-même n'existe plus. J'ai reconnu le lieu parce qu'il ne reste plus qu'un temple, Gaji Kalu, reconnaissable à ses tigres dorés sur le portail. L'eau a englouti toute la rue, tout le village, tous les alentours. Le Bangladesh, déjà entre deux eaux. Avec Shuli Ok, Sadia Afrozo Sultana de l'ONG The Swallows, Shukanta Sen de l'ONG Barsik, Tazamal Ak, Shahiraj Hossein et Shamim Hossein de UST, Rezor Rahman, professeur à l'Institut de recherche sur l'eau et la gestion des inondations, et l'ingénieur Aboul Bacher. Ijaz Hossein, professeur en ingénierie et technologie à l'Université du Bangladesh. Faria Mou, étudiante. Manugo Zaman Munshi, membre de comité d'union de Chauratra. Alan Hossein et son tricycle. Merci aux familles de pêcheurs, Ripon Mizi, Shahara Begoum, Moni et Makala, Rosina et Shahira Begoum. Merci à Shipra Saha, Anov Nara de Panjgao et à Aimé Kalam, l'ancien combattant. Merci à Moïna, Nazma, Ashipul Oak, Anissa, Kader et à Farid, Justine, Tamim, Lemon, Abdiba de Mulfan Gans. Extrait de l'œuvre Six Seasons, 1971, de Niloufar Jahan, artiste plasticienne. Voix Olivier Martineau et Frédéric Serdal. Traduction Ziad Haddad et Babli, un clin d'œil à Christine Diger, prise de son Romain Luquiens, mixage Stéphane Desmonts, réalisation Doria Zénine, un documentaire de Lydia Benitzrak. LSD pour aujourd'hui c'est terminé, bibliographie, lien ou pour nous réécouter après la fin du monde, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages c'est Marivana Bolivier, Mathias Méji et Anise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, l'Aquitaine, un littoral redessiné. Mais en attendant, restez à l'écoute.